peinture de Matisse. Ça devait être une école d'avant-garde. Une école d'avant-garde? Pourquoi? Vous savez, Matisse était considéré comme un peintre d'avant-garde vers 1910. C'est une école privée? Non, l'école du quartier. Une école publique. Ça devait être une bonne école. Comme toutes les autres. Vous savez, en France, toutes les écoles sont à peu près pareilles. C'est l'État qui finance et qui contrôle l'éducation nationale. Le système est le même dans toute la France. C'était une école privée? Non, l'école du quartier, une école publique. L'école du quartier. Une école publique. Qu'est-ce que l'école de Mireille était une école privée? Non, non, une école publique, l'école du quartier. Vous savez, en France, toutes les écoles sont à peu près pareilles. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre les écoles en France? Non, elles sont à peu près pareilles. C'est l'État qui finance et qui contrôle l'éducation nationale. Pourquoi le système des écoles publiques est-il le même dans toute la France? Parce que c'est l'État qui contrôle et qui finance l'éducation nationale. Alors, plus tard au lycée, vous avez continué à faire de l'art et à étudier l'histoire de l'art. Mais non, pensez-vous. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Rien qu'en histoire, par exemple, on étudie l'histoire ancienne, l'histoire de France, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, l'histoire des pays étrangers. On n'en finit pas. Sans compter la géographie, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Moi, j'ai suivi un cours d'histoire européenne quand j'étais à l'école secondaire aux États-Unis. Je n'ai pas beaucoup aimé ça, pour le roi, pour la guerre. Mais vous êtes obligé de faire des histoires. Bien sûr, l'histoire est obligatoire. Comme presque toutes les matières d'ailleurs. Vous savez, jusqu'en première, on n'a pas beaucoup de choix. Au lycée? Vous avez continué à faire de l'art. Pensez-vous. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Il y a tellement d'autres matières. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Pourquoi Mireille n'a-t-elle pas continué à faire de l'art au lycée? Parce qu'elle avait tellement d'autres matières à étudier. Moi, j'ai suivi un cours d'histoire européenne. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. Trop de rois, trop de guerres. Pourquoi Robert n'a-t-il pas aimé le cours d'histoire européenne qu'il a suivi? Parce qu'il y avait trop de rois, trop de guerres. Mais vous êtes obligé de faire de l'histoire. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé de faire de l'histoire. Ah, bien sûr, l'histoire est obligatoire. L'histoire est obligatoire. Est-ce qu'on est obligé de faire de l'histoire en France? Bien sûr, l'histoire est obligatoire.